pral tombe. Tant pis doutou, pas peine perdu sous compas. Aspoyant fort nous d'amour. La vie pour nous-mêmes, c'est danser bonne musique. Revive bon moment, que nous t'es compte passé. Étant donné que nous pas joindre ça facile, faut qu'on aller danser les gens. Chèque à billet, l'œil a fini river. C'est des gens comme jouer, qu'on va pas le tomber. Étant donné que nous pas jouer ça facile, on a l'enlève faire des gens. Nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah. débarqué. Débarqué, débarqué, bajo esa bolona, débarqué, bacla. Débarqué, we fuck nous débarqué. Débarqué, bajo esa bolona, débarqué, bacla. Débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué. Débarqué, débarqué, bajo esa bolona, débarqué, bacla. Débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué, débarqué.